t'entendais sans moi où t'irais. Je n'ai que peur d'amis, je suis côté. M'éteins comme une flamme au brillet. Je vais te fumer puis je vais t'oublier. Ça veut niquer ta mère et puis c'est tout. Non, puis frère, c'est cool. J'ai vite compris que tout ce qu'on finit par construire ou par faire, c'est cool. On va clarifier, produit toujours tarifé. Été, hiver, on t'oublie aussi vite que t'es arrivé. Tous ensemble jusqu'à première défaite. Ensuite, ce sera chacun pour soi. La même depuis le premier texte. Suis-je un frère pour toi? Frère de sang ou frère de rien? L'être humain aime trop les thunes. Ici, on t'aime si tu vends bien. Si tu vends moins, on te connaît plus. Qui veut le trône ne mourra pas l'épée. Enfant de pute, faudra allaiter. Cette pluie de balle pourra m'arrêter. Bonhomme de neige attendra l'été. Qui veut le trône ne mourra pas l'épée. Enfant de pute, faudra allaiter. Cette pluie de balle pourra m'arrêter. Bonhomme de neige attendra l'été. Entendez sans moi où tu irais. Je n'ai que peu d'amis, je suis potier. M'éteins comme une flamme au brillet. Je vais te fumer puis je vais te oublier. J'ai dormi pour oublier que mes rêves sont des rêves. Que le temps tue les hommes et que les hommes tuent les trêves. Sombrer la plume, je viendrai quand viendra l'hiver. Je vais pas te décrocher la lune, tu n'aurais rien à y faire. Pour percer, je serais prêt à sucer toute une ville. Veulent des go qui disent t'es d'où tu pries. M'en faut du cash pour m'acheter toute une île. Devant miroir, un coup de vieux. Tu parles trop, écoute peu. Qu'y a-t-il de plus beau que silence si ce n'est coup de feu? Qui veut le trône ne mourra pas l'épée. Enfant de pute, faudra allaiter. Cette pluie de balle pourra m'arrêter. Bonhomme de neige attendra l'été. Qui veut le trône ne mourra pas l'épée. Enfant de pute, faudra allaiter. Cette pluie de balle pourra m'arrêter. Bonhomme de neige attendra l'été. Entendez sans moi.